Padre nibariki. Que le Seigneur vous bénisse. Tukuna nduku André Dimonekene. Nous avons le frère André Dimonekene. Anatoka makutano ya Ndwizi. Il vient de l'assemblée sœur de lui de Ndwizi. Avant la ville de Matadi. Peu avant la ville de Matadi. Êtes-vous dans la joie d'accueillir le frère au nom de Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue tous dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Na wasalimia nini wote katika jina la damani la Bwana na Mwokozi Yesu Kristo. Je remercie le Seigneur de m'avoir protégé durant ce long voyage. Na pitia asante Bwana kwa kunilinda kadiri ya safari mrefu. Je remercie encore les anciens. Na pitia tena asante wazee. Qui m'ont accordé cette opportunité de se tenir ici. Wenyewe alinipatia bahati ya mie kushimama hapa. Et que Dieu bénisse le conseil des diacres. Na Mungu apate kubariki shauri ya washimashi. Le conseil des administrateurs. Shauri ya wazamini. Les techniciens. Wenyewe techniciens. Et chaque frère et sœur qui soutient cette œuvre. Na kila ndugu na dada mwenye kusaidia hii kazi. Nous saluons mêmement tous les frères et sœurs qui nous suivent, qui sont en connexion dans le monde entier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Na tunasalimia vile vile wanduku wenye kutufuata fazi yote mulimwengu mzima mu internet katika jina la Bwana Yesu Kristo. Comme l'ancien l'a dit, na, mon nom c'est André Dimonekene Diazola. Paka vile mzee anatoka mkusima jina langu ni André Dimonekene Diazola. Dimonekene Diazola signifie. Dimonekene Diazola maana yake. Je vois ce que j'aime. Ninaona inye minapenda. Je vois mes frères et sœurs que j'aime. Ninaona banduku na badada bale minapenda. Ça la signification de mon nom. Ndio maana ya jina yangu. Donc je suis très content de vous voir. Nikusema niko na furaha sana kwa kumiona. Na kupatikana katikati yenu. Alors quand j'ai quitté là-bas dans mon église. Sasa wakati nilitoka kule kanisa yangu. À Ndwizi. Kule ku Ndwizi. À 45 km de la ville de Matadi. 45 km bila kufika muji ya Matadi. Le frère Zesser m'a chargé un conteneur de salutations pour les frères et sœurs de Katanga. Wanduku na wadada wa makutana kule walinipatia container mzima ya masalamu ya kuletea wanduku na wadada wa Katanga. Mon ancien Georges Dankeba. Mzee wangu Georges Dankeba. M'a prié de saluer tous les enfants de Dieu partout où je vais passer. Alinisi nipate kusalimia batoto wote ba Mungu mahali wote mitapita. L'ancien Ngungu Bakala na, là à Mwanda l'océan. Na mzee Ngungu Bakala kule ku Mwanda karibu na océan. L'ancien Kapanga l'assemblée de Calgrès à Kinshasa. Mzee Kapanga wa makutano ya Calgrès kule ku Kinshasa. Le frère Zesser. Na wanduku na wadada. Avant de venir, j'ai prêché là-bas. Kwa nimbele akuja huku nilubiri kule. Le pasteur Sam Kitoko. Pastor Sam Kitoko. Ils m'ont chargé aussi de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Waliliomba vile vile nipate kumisalimia katika jina la Bwana Yesu Kristo. Le frère de Lubumbashi. Na wanduku wa Lubumbashi. Kolwezi. Kolwezi. Lualaba. Lualaba. Ungurume. Ungurume. Kakanda. Kakanda. Likasi. Likasi. Vous aussi saluez nao walimisalimia mjina la Bwana Yesu Kristo. Que notre Dieu soit loué. Mungu wetu asifiwe. Alors, je vous invite à se lever pour lire la parole. Sasa nimealika msimame njoo kusoma neno la Mungu. Nous sommes dans le livre de Marc. Tuko mu kitabu ya Marko. Au chapitre 10. Sura yake ya 10. Nous commençons au verset 17. Tanzia mstari wa 17. Jusqu'au verset 22. Tenda mstari wa 12. Marc chapitre 10. Marko sura 10. 17 à 22. Kumina saba kufika makumi mbili na mbili. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Munasoma jina la Bwana Yesu Kristo. Comme Jésus se mettait en chemin, na wakati Yesu alikuwa munjia, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Mutu mwaka kimbia na kujitupa kumagoti yake, kumiguu yake. Bon maître, mwalimu mwema, lui demanda-t-il. Akamuuliza, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Nini napasha kufanya ili nirithi ufalme wa milele? Jésus lui dit. Yesu akamjibu. Pourquoi m'appelles-tu bon? Kwa nini umeniita mwema? Il n'y a de bon que Dieu seul. Kuna mwema ni Mungu peke yake. Tu connais les commandements? Unajua maamri. Tu ne commettras point d'adultère. Usizini. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne dérobera point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima. Et il lui dit, il te manque une chose. Unakosewa kitu moja. Va, wende, vends tout ce que tu as, uzisa vyote unavyo, donne-le aux pauvres, yapatie wa maskini, et tu auras un trésor dans le ciel. Na utakuwa na hazina kumbingu. Puis viens, kisha kuja, et suis-moi. Na unifate. Mais affligé de cette parole, lakini kisha kuzunisha sana na ile maneno, cet homme s'en alla tout triste, ule mutu akaenda wa huzuni sana, car il avait de grands biens, kwani alikuwa na mali mingi. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Tuombe Bwana. Notre Père Céleste. Baba yetu liye mbinguni. Nous te sommes reconnaissants encore ce soir. Angaribia leo tena tunakushukuru kabisa. Pour ton amour, ta bonté que tu nous as. Kwa upendo wako na wema wako ulitupenda nao. Pour le souffle de vie que tu nous as accordé. Kwa pumzi ya uzima ulitupatia. Qui a fait que nous puissions être comptés parmi les vivants. Nous sommes venus dans ta présence. Tels que nous sommes. Avec nos fardeaux. Nos soucis. Nos manquements. Seigneur Jésus. Toi tu avais dit. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Changez. Et je vous donnerai le repos. Nous voici devant ta face. Accorde-nous ce repos. Accorde-nous ta bénédiction. Yako. Après avoir chanté, kisha kuimba, nous venons de lire cette portion du Christ. C'est toi qui parles ici. Parle-nous aussi ce soir. Semezana nasi, tina mangaribi ya leo. Conduis-nous. Utuongoze. Seigneur, Buana, que ton Esprit Saint nous accorde le discernement des choses les meilleures. Sois l'acteur principal du début à la fin, mwanzo, et adimisho, que chacun de nous puisse sentir ta présence. Na kila mmoja wetu apate kuona wepo wako. Pardonne nos péchés et regarde-nous sous ton sang. Na utazame chini ya damu yako. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mujina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous puissions nous asseoir. Tupati, kuikala. Le titre de notre sujet. China ya maubiri yetu. Il te manque une chose. Kuna kukosewa kitu moja. Vous connaissez bien cette histoire. Mnajua mzuri habari. L'histoire de ce jeune homme riche. Ya uki jana mtajiri. Il vivait là, il était là en Israël au temps de Jésus. Alikuwa kule ku Israel wakati ya Yesu. Ça c'est pas une parabole. Hii anafumbwa pana. Ce jeune homme existait. Uki jana mtajiri alikuwa kako. Il avait entendu parler. Alisikia bwana semea. De Jésus. Juu ya Yesu. Alors? Na pale. Il a pris la décision. Akabeba mpango. Non, je dois aller voir. Napasha kwenda kumuona. Parce que juu je dois avoir aussi la vie éternelle. Na mina pasha kupata ko uzima milele. Il était bien parti. Alienda mzuri. C'est une bonne décision. Ni mpango ya mzuri. Si nous sommes venus ici ce soir, kama tulikuwa pa hifadhi mangaribi ya leo, c'est à cause de la vie éternelle. Ni juu ya uzima milele. Amen. Amen. La vie éternelle. Uzima milele. C'est la chose la plus glorieuse. Jo kitu kia utukufu sana. Pour une personne. Kwa mutu. Il était bien parti. Alienda mzuri. Alors quand il avait vu le Seigneur, sasa wakati alikuwa karibu na Bwana, il a couru. Akakimbia. Effectivement, ça montre qu'il était dans le besoin. Hakika kweli inaonyesha kusema alikuwa muhitaji. se jetant à genoux devant le Seigneur. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui regarde. Pourquoi m'appelle si bon? Il n'y a de bon que Dieu fait. Mouema, ni Mungu peke yake. Tu connais le commandement? Ne commettez point d'adultère. Qui ne déroberera point? Qui ne dira point de faux témoignages? Qui ne fera tort à personne? Honore ton père et ta mère. Baba yako na mama yako. Il lui regarde. Il dit, maître, j'ai observé ces choses depuis ma petite tête. Jésus lui regarde. Et la Bible dit, la Bible nasema, il l'aima. Akampenda. Donc il n'avait pas trompé. Ni kusema kulanda pana. Amen. Amen. Il l'aima. Akampenda. Mon frère. Ndugu yangu. Ma soeur. Dada yangu. Aujourd'hui, Léo, c'est ton tour. Ni turi yako na wakati yako na wewe. C'est mon tour. Nani wakati yangu kwangu na mimi. Et si Jésus vient? Na kama Yesu akikuja. Maintenant. Hapa sasa. Jésus a dit, Yesu alisema, là où deux ou trois se rassemblent à mon mahali nom, wawili watatu wanakusanyika mjina langu, je suis au milieu, niko katikati yao, et Jésus-Christ est avec na Yesu kwa pamoja nasi, car il est écrit, kwani imeandikwa, Dieu est dans sa parole, Mungu yuko ndani ya neno lake, et il a dit, na alisema, je m'en vais, ninaenda, je reviendrai, nitarudiaka, je serai avec nitakuwa vous, pamoja na mwe, et même dans vous, na hata ndani mwenu. Maintenant voyez, sasa tu mwone. Si Jésus se tient, kama Yesu amesimama hapa, il te regarde, anakutazama, il me regarde, ananitazama mie, quelle sera la suite? Mambo itakuwa je? Si Jésus te regarde, Yesu akikutazama, parce qu'il te regarde maintenant, hata pasiko la kuangalia, la Bible dit, Biblia nasema, dans Proverbes chapitre 15 verset 3, Mumezali sura 15 mstari 3, les yeux de l'Éternel sont partout, macho ya milele iko fazi yote, regardant le mauvais et le bon, mkutazama wenye kwa wazuri, donc Dieu te regarde, nasema Mungu anakutazama maintenant, sasa, est-ce que tu es agréable devant Dieu? Et tu crois kumpendeza Mungu? Amen. Amen. Amen. Amen. Père Bana me dit, Dubrama, chacun de nous doit avoir un bon témoignage. Kila mmoja wetu anapaswa kuwa na ushuhuda mzuri. Et soyez saints dans toute votre conduite. Na mpate kuwa watakatifu katika mwenendo wenu yote. Nous chantons. Tunaimba. À chaque instant de chaque jour. Kila muda, conduis-moi, Seigneur. Niongoze Bwana. Donc à chaque instant. Un chrétien doit être saint. Mukristo anapasha kuwa mtakatifu. Amen. Amen. Afin que tu sois agréable devant Dieu. Ili upate kwa kumpendeza Mungu. Jésus lui regarde. Yesu akamtazama. Il l'a aimé. Akampenda. Et il lui dit. Nakamonesha. Il te manque une chose. Unakosewa kitu moja. Va, wende, vends tout ce que tu as là. Donnez-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. Na mumbingu. Oui. Kisha. Reviens. Mzia. Et suis-moi. Na unifate. C'est là où le jeune homme a échoué. Ndio pale kijana alikosa, alishindwa. C'est là où le jeune homme a échoué. Ndio pale kijana alishindwa. Oui, reviens. Kisha rudia. Et suis-moi. Na unifate. Jésus a dit, Yesu que chacun prenne sa croix. Kila mmoja achukue msalaba yake. Et me suive. Na anifate. Amen. Amen. La Bible dit, Biblia nasema, le jeune homme est rentré tout triste. Kijana ule mwanaume alirudia wa huzuni sana. Pourquoi? Dieu a nini? Quand il a regardé, wakati alangalia, il a regardé Pierre. Alangalia Petro. Il a regardé de Matthieu. Alangalia Matayo. Qui suivait Jésus? Chaque jour. Kila siku, partout. Fazi yote, devient papa. Wakubwa waze, comme des pierres. Sawa Petro. Il suivait un jeune homme. Mwanaume, Bwana Yesu. Pierre avait compris. Petro, alelewaka. C'est lui qui a la vie. C'est lui qui a la vérité. Alléluia. Amen. Maintenant regardez. Sasa tazameni. Le jeune homme. Ule kijana, il avait besoin de la vie éternelle. Lazima na uzima milele. Maintenant. Sasa, quand Jésus était là. Wakati Yesu alikuwa pale. La vie éternelle était là. L'enlèvement était là. Le festin de noces était là. Le millénium était là. L'éternité était là. Devant lui. Frère. Il est rentré triste. Déçu. Frère, que ça ne soit pas ainsi pour toi. Je ne sais pas. Ne commettez pas cette erreur. Il est rentré tout triste. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez mes frères. Quand Jésus était là, tout celui qui est venu devant Jésus, le malade était guéri. Alléluia. Les boiteux ont marché. Les aveugles ont vu. Les morts ressuscités. Ceux qui avaient faim, ils ont mangé. Mais maintenant, lui, il est dans cette crise. C'est le rêve. Même pas le reste, la faute. La plus grave que ces jeunes hommes ont commis. Que ça ne soit pas ainsi pour toi. Pas quoi que ça ne soit pas ainsi pour toi, mon frère. Jésus est là. Quand vous voyez Jésus, la Bible dit, il remplit tout en tout. Il possède tout. Tout ce qui est dans le ciel. Il a, tout a été créé par lui. Et pour lui. Alléluia. Amen. Maintenant, sasa, lui rend triste. Yeye anarudia wa huzuni. Alors, sasa, lui voyait son argent. Yeye anaanza kuona franga yake. Il voyait ce bien. Anaanza kuona mali yake. Il fait vraiment dire, lui, masema, donner l'importance à ses associés. Anaanza kuweka mafaji kubali anaanza kutumika nabo mkazi. En fin de compte, mwisho ya yote, il est allé pleurer au séjour des morts. Alienda kulia mahali ya wafu. Alléluia. Amen. Il est allé pleurer au séjour des morts. Pourquoi? La chose qui lui manquait, qu'il cherchait, qu'il l'avait raté. Et pourtant, elle était devant lui. Et il a vu les pierres, les gens qui suivaient Jésus. Mais qui a abandonné le péage? Abandonner les péages. Il touchait l'argent chaque jour. Mais il a laissé. Maintenant lui, il a donné l'importance à son argent. À son bien. En fin de compte, il est allé pleurer au séjour des morts. Frère Baba me dit, dans la prédication, viens et suis-moi. Le jour du jugement, ces paroles qu'il a entendues du Seigneur, viens et suis-moi, ça va nous rencontrer devant le jour du jugement. Et pas d'excuses. C'est la même chose pour nous. Tout ce que nous écoutons, tout ce que nous lisons, les paroles qui sortent, ça ne meurt pas. Au jour du jugement, ça reviendra et tu seras devant un fait accompli. Il t'arrudiaka na toka mbele ya mambo yako wewe mwenyewe. C'est pourquoi ne commettez pas cette faute. Ne courez pas le risque de manquer la vie éternelle. D'abandonner Jésus. Ya kumwacha Yesu. Alléluia. Amen. Nous lisons les prophètes. Tukuna msoma nabi. Et la prédication. Maubiri. Être conduit. Kuya mwenye kongozwa. Être conduit du 7 et 12 mois 1967. Paragraphe 107. Ce jeune homme, il était aussi religieux qu'on peut l'être. Parce que à Jésus, qui l'a questionné, il a dit, j'ai observé ce commandement depuis ma jeunesse. C'est vrai. Parce que Jésus l'a aimé. Vous voyez, il avait été bien élevé. Bien enseigné. Malgré cela, quand il était à la confrontation de l'idée de la vie éternelle, c'est là où il a échoué. Maintenant, écoutez, je vais vous faire remarquer quelque chose. Malgré toutes ses qualités, il avait beaucoup de bons côtés. Il avait quand même beaucoup de bonnes choses. Malgré toutes ces caractéristiques. Il n'avait pas la vie éternelle. Amen. Il dit encore, dans la prédication, Paul, prisonnier de Christ. Ne jugez jamais votre vie par la puissance que vous avez d'accomplir les miracles. Non. Et ne nous jugeons pas nous-mêmes par le degré de connaissance que nous avons. Donc avec la connaissance, le verset biblique, les citations, la connaissance, cela ne montre pas qu'il a la vie éternelle. Il a que la uzima milele. Mais, lakini, jugez-vous toujours, kila mara mupate kujipima, regardez en arrière, kumukongo, depuis que vous avez crié, tangia uliamini, et faites un inventaire, na upate kufanya uchunguzi, du genre de fruits que porte votre vie, ya aina ya matunda, ile maisha yako iko natoa, maintenant, hapa sasa, alléluia, amen. Ah, faites un inventaire depuis que vous avez crié. Du genre de fruits ya aina ya matunda que porte votre vie. Ile maisha yako kunonesha. Alléluia. Amen. Depuis que vous avez crié jusqu'aujourd'hui. Tangia uliamini kufika hata siku ya leo. Amen. Amen. Faites l'inventaire. Ufanye uchunguzi. C'est là où vous allez voir que vous avez la vie éternelle ou pas. Alléluia. Amen. Dans 2 Corinthiens, chapitre 13. 2 Corinthiens 13. Verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir kujua, si vous êtes dans la foi. Kama muko katika imani. Vous-même, nyewe, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Jésus-Christ est ndani mwenu. À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Isipokuwa tu kama mko benye kukataliwa. Amen. Amen. Examinez-vous. Mujichunguze wewe mwenyewe. Pour savoir jua kujua, si Jésus-Christ est kama Jésus-Christ est en vous. Bien-aimés frères et sœurs, wapendwa ndugu na dada, le christianisme, Christu, c'est pas quelque chose d'hasard. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le christianisme, Christu, c'est pas comme dans les dénominations. Chez nous là-bas, kule, si vous allez dans les dénominations, mazebu, vous allez voir si tous les baptistes. Zaidi kuba baptiste, ah, ils ont les femmes portent des moussoirs de tête. On a écrit là-bas, Moukristo Azali Mwinda. Moukristo ni Nuru. Et ça ne peut pas manquer. Na iko, awezu kotele kitambala. Les hommes, banaume, l'église va donner une commande spéciale à l'usine. Kanisa etenda kule kukampu, on fait des pailles, on met une dessin là-bas. Ah, le chrétien c'est une lumière. Moukristo ni Nuru. Effectivement, c'est vrai. Na, kweli, la Bible dit nous sommes la lumière. Ni Nuru. Mais le christianisme, ce n'est pas une mouchoire de tête. Amen. Amen. Le christianisme, ce n'est pas une bouboula. Non. Le christianisme, c'est une expérience que nous recevons à partir du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est ça l'uniforme d'un chrétien. Le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, examinons-nous pour voir si réellement tu es dans la foi, si réellement Jésus-Christ est en toi. Parce que l'adoration aussi, leo, la véritable adoration, ya kweli, le véritable christianisme, c'est Jésus-Christ en nous. Ni Yesu Christ ndani yetu. C'est pourquoi tu es fort de dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. C'est ça le christianisme. Et le mot chrétien signifie manayake, être comme Jésus. Uya, sawa Christo. Amen. Amen. Amen. Amen. C'est ça. Njovile. Jésus-Christ est en nous. Yesu Christ ndani yetu. Et frère Branham dit, Branham sema, chaque frère, kilanduku, chaque sœur, kiladada, doit faire cette déclaration. Anapasha kusema imsemo. Chaque frère, chaque sœur doit faire cette déclaration. Si tu es un chrétien, dis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il te manque une chose. Le christianisme, ce n'est pas j'écris le message. Nous prions là-bas à l'assemblée. Je suis un ancien. 10 ans dans le message. 20 ans. Non. Le christianisme, c'est une vie. Amen. Amen. Amen. Amen. Dieu nous a envoyé un message. Une parole puissante qui contrôle la vie humaine depuis les ongles jusqu'à la tête. Amen. Amen. Ce message, c'est le top de tout ce qu'on prêche dans ce monde. C'est la base des conquérants. Amen. Amen. Ce message, c'est un homme. Amen. Amen. Amen. Amen. Jésus a dit, Yesu alisema, je suis Nico, la vérité, ukweli, la vie uzima, et le chemin. Nanjia. Ce message, c'est la vérité. Ujumbe ni ukweli, et la vérité, c'est un homme. C'est Jésus. Yesu. Amen. Amen. Et ce message na, ujumbe, a une vie. Iko na maisha yayo. Ce message ujumbe, a une vie. Na buzima. C'est pas quelque chose d'abord. Ce message a un langage. Amen. Amen. C'est pourquoi quand Pierre suivait Jésus, lors de la restauration du Seigneur Jésus, il s'est mis devant un brasier pour se chauffer. Une femme est venue là. Lui dit, toi aussi tu étais avec ce homme. Pierre dit, Non, je ne le connais pas. La femme rentre. Mon ami a carrousi. Quelques minutes après. D'accord, qui soit. Cet homme-là doit être. Oulé Muntu. Doit être le disciple de cette époque. Monapuzi, waoule. Non, c'est pas vrai. Toi, tu étais avec lui. Oui, on ne connaît pas. Paul Gérard dit non. Pedro Casema. Ne le connais pas. Missi Mujué. Je sais quoi pas. Ni mambo kali. Missi Muju. La femme rentre. Mon ami a carrousi. La troisième fois. Mon ami a carrousi. On va l'arrêter aussi. Attends, bamba. Et la femme a dit, ton langage, t'attise. Amen. Amen. Amen. Amen. Les chrétiens ont un langage. Christ, amen. Amen. Ce message a un langage. Même à la cité, tout ça, on ne fait qu'à. Quand on parle, quand on est entre nous, ils nous connaissent. Amen. Amen. Ce message a un entendement. Oui, bien-aimés. Ce message a un entendement. C'est ce qui complique les gens. Quand on dit Jésus-Christ c'est Dieu, mais ils ne comprennent pas. Ah, c'est ce qui a compliqué même les pharisiens. C'est pourquoi ils n'ont pas pu croire le Seigneur Jésus. Le Messie qu'ils attendaient. Le Messie était là. Mais il continue à attendre. Alléluia. Amen. Ce message a des œuvres. Amen. Amen. Ce message a des œuvres. Suivez très bien, mes bien-aimés. C'est pas seulement ce qu'il dit, j'écris le message. Je prie à l'assemblée. Tout ça, c'est bien. Mais il faut avoir la vie de la parole. Ne parlez pas seulement de la vérité, mais vivez la vérité. Parce qu'il est écrit, la vérité vous affranchira. Et la vérité conduit à la vie éternelle. Amen. Amen. Ce message a des voix. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit, mes voix ne sont pas vos voix. Et frère Branham me dit, les voix que vous suivez, le jour du jugement, Dieu vous rendra compte de ses voix. Amen. Amen. Ce message a une vision. Quand nous marchons, partout nous sommes, au service, à l'école, au marché, en voyage, safari, nous avons une vision. Nous voyons l'éternité. Nous voyons les millénaires. Nous voyons que ce qui est du ciel. C'est pourquoi on ne peut pas se donner à tout ce qui est de ce monde. Tu peux venir avec quoi que ce soit. Nous, notre vision est basée de ce qui est d'en haut. Amen. Jésus a dit, n'aimez pas le monde et tout ce qui est du monde. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Alléluia. Amen. Ce message a une conduite. C'est pourquoi, quand vous venez ici, tu ne dois pas te conduire n'importe comment. Écoutez-moi, ici, nous avons une conduite. Les chrétiens ont une conduite. Amen. Amen. Frère Manam me dit, les oiseaux de même couleur ont leurs choses en commun. Si nous prenons les pêcheurs de poissons, ils ont leurs choses en commun. Quand ils rencontrent entre eux, ils parlent de ce qui est de la pêche. Ils parlent des genres de poissons. C'est comme ça. Et les commerçants, ils ont aussi leurs choses en commun entre eux. Les commerçants. Et les chrétiens, nous avons des choses en commun. Amen. Amen. C'est comme ça, frère. Donc, mon frère, ma sœur, examine-toi pour voir si tu es dans la foi. Comment? Parce que Jésus est avec nous. Ah, Dieu marche avec son peuple. Amen. Amen. Amen. Amen. Il te manque une chose. Ah, on t'observe. Nous lisons encore les prophètes. Nous prenons la prédication, l'influence. Du 12 janvier 1963. Le 12 janvier 1963. Paragraphe 13. L'influence du 12 janvier 1963. Vous savez, il y a tant de personnes parmi nous. Et la plupart d'entre nous, nous influençons quelqu'un par ce que nous faisons. Suivez très bien. Nous influençons quelqu'un par ce que nous faisons. Par la manière dont nous vivons. Et par tout ce que nous disons, nous influençons quelqu'un nous observe. Quelqu'un observe votre vie. Amen. Amen. Partout où nous sommes. Et surtout nous. C'est nous là-bas. Quand un frère ou une sœur fait quelque chose. On a toujours dit. Même vous aussi qui priez. Et même vous aussi. Donc quelqu'un d'autre peut faire du mal. Nous mais quand un frère ou une sœur fait. Lakini wakati tu nduku wala dada alipata bubaya. Vele tambour bata. Ni ngoma fazi yote unasikilika wa. Pugwa. Jua nini? On nous observe. Beko ni tuangarishisha. On nous observe. Beko ni tuangarishisha. Là chez nous. Kule kwetu. Quand vous arrivez. Ukifika. Si vous voulez détecter, demander les renseignements pour qu'on puisse vous montrer là où se trouve l'assemblée. Upenda kujulisha. Il faut dire là où on prêche la vérité. Asima kule wana ubilaka ukweli. Et ils nous ont donné ce nom là, les gens de la vérité. Nous avons dit oui parce que nous avons la vérité. Ndio, juu tuko na ukweli. Nous avons la vérité. Tuko na ukweli. Et la vérité. Na ukweli. C'est une vie. Ni maisha. Amen. Amen. Et les gens na bantu, nous observent. Et puis, na kisha, quand nous confessons que nous sommes des chrétiens, wakati tunakiria, kusema tuko ba Christu, quel genre de vie devions-nous mener? Ni aina gani ya maisha tulipasha kuishi? Si quelqu'un nous observe. Kama mtu akituangalia. Amen. Amen. Et la vie que vous menez na exerce une influence sur quelqu'un. Fulani. Amen. Amen. Dans sa destinée éternelle pourrait résister sur votre façon de vivre. Ule mwisho yake maisha yake yote inaweza kulinganishwa sasa na maisha yako naishi. Ah, c'est-à-dire que ni kusema hivi. À partir de votre façon de vivre. Kupitia tu namna yako kuishi. Tu peux amener quelqu'un à Christ. Unaweza kupeleka mtu kwa Kristo. Amen. Amen. Amen. Amen. Donc c'est comme ça. Ni kusema ndio vile. Donc le christianisme. Tu ne dois pas seulement rester là. Unaweza kubakia tu pale. Oh, vas-y. Uwa kuwayawaya tu bila msimamo hapana. Tu dois bouger. On passe à kutenga. On doit sentir réellement. On passe à kusikia kile kweli. Huyu ni Mkristo. Amen. Amen. Il te manque une chose. Kuna kukosewa kitu moja. Il te manque une chose. Kuna kukosewa kitu moja. Donc le christianisme c'est une vie. Mnasema Mkristo ni maisha. Amen. Amen. C'est pourquoi on ne doit pas vivre n'importe comment. Hatuwezi kuishi namna yoyote. C'est pourquoi quand on est devant les gens. Zaidi wakati tuko mbele ya watu. C'est pourquoi. Njoo kama ni Mkristo. Doit rester. Doit être saint dans toute sa conduite. Comme la Bible le dit. Partout où vous êtes. Soyez un chrétien. C'est ce que le prophète dit. Un chrétien où qu'il soit. Il est toujours un chrétien. C'est pas que ici on te connaît que tu es sœur à Christ. Sœur à Christ. Mais quand tu vas au point là-bas d'aller faire fond. Ah ici. Il n'y a même pas le message. Il n'y a pas de frères. Hakuna banduku, et de sœurs. Tu commences à mener une vie désolée. Non. Dieu n'a pas de demi-chrétiens. Dieu a des chrétiens. Des combattants. Tu combats partout. Amen. Amen. À l'école. Masomo. Tu es chrétien. Au service. Mukazi. Tu es chrétien. Au marché, tu es chrétien. En voyage, tu es chrétien. Dans la maison, tu es chrétien. Et ici à l'église, alléluia. Amen. C'est ça le christianisme. C'est pourquoi mon frère, yangu, ma soeur, yangu, on t'observe. On te regarde. Si Jésus, comme Yesu, pourrait être là maintenant. Aliwezi kuyapa sasa. En te regardant. Mungu kutazama. Devinez la suite. Oui, mnye sema mambo vile. Qu'est-ce qu'il dira? Aliwezi kusema nini? Ah, il dira toujours. Atasema paka. Il te manque une chose. Unakosewa kitu moja. Si tu ne vis pas la parole kama de Dieu. Kama wewe uishi neno la Mungu. Ne vous trompez pas, frère. Usijidanganye ndugu. Dada. Il y a les enfants de Dieu. Kuko batoto ya Mungu. Qui mènent la parole de Dieu en pratique. Wenye kutumikia neno la Mungu. L'enlèvement est proche. Kuliwa ni kura kwa karibu. Fini les distractions. Fini les aventures. Ne soyez pas distraits. Il n'y a plus de temps. Au moment où nous sommes arrivés, donc chacun doit prendre cette disposition. Soyez une lumière. Comme la Bible le dit. Amen. Amen. Les chrétiens, la Bible dit, vous êtes les seuls de la terre. Le sel donne le goût. Le sel a le pouvoir de conserver quelque chose pendant un long temps. Le sel. Amen. Amen. Amen. Amen. Et Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Frère, si Kama, ce monde a encore un effet d'équilibre aujourd'hui, c'est parce qu'il y a encore les sels sur la terre. C'est à cause de notre présence. Après l'enlèvement, la Bible dit, les gens ne sauront que faire. Quand on va ôter les sels, vous allez voir ce qui surviendra sur la terre. La Bible dit, il y aura l'angoisse. C'est pourquoi soyez un véritable chrétien. Amen. Amen. Donc, les chrétiens donnent le goût. Amen. Amen. Vous pouvez, les frères et sœurs qui ont des régimes, ils ont des difficultés. On vous prépare la viande. Frère, la viande. Malgré c'est la viande. Mais quand il n'y a pas de sel, vous savez, si la sœur prépare, il met là à la table. Peut-être, le frère ne sait pas qu'ici, on a un régime. Alors peut-être que la sœur aussi a oublié. Mais les assiettes là. Ah, vous voyez des morceaux de viande. Ah, tu prends, tu mets là-bas. Quand tu vas prendre, tu mets dans la bouche. Directement. Ah. Dada. Mais comment, il n'y a pas de... J'avais oublié. Sabwa. Pourquoi? Malgré que c'est la viande, mais quand il n'y a pas le sel, il n'y a pas de goût. Amen. Amen. Et nous donnons le goût dans ce monde. Nous donnons le goût. Les années écoulées. Dans la ville de Matadi. Tous les gens qui avaient des activités, commerciales, ont donné des informations. Frère, vous voulez engager, allez là-bas à l'assemblée, surtout à la caisse, prenez les frères du message. Et c'est ce qui a fait que dans beaucoup d'établissements, ce sont des frères qui étaient des comptables, des gérants. Et un frère Nanduku, qui a quitté les États-Unis, il est venu en RDC. À partir des États-Unis, on lui a dit, tu vas en Afrique, précisément au Congo, à ce temps-là, au Zaïre. On lui a dit, quand tu vas monter la société, attention, à la caisse, sur le point stratégique, cherchez les hommes, les femmes qui ont crié le message de Branham. À part ces gens-là, un peu avec les témoins de Jéhovah. Ça, c'est un Américain qui a témoigné. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, examine-toi. Examine-toi. Amen. Amen. Ce message a une vie. Nous lisons les prophètes. Nous sommes dans la prédication, la stature parfaite d'un homme. Nous sommes à la page 14. Juste deuxième paragraphe, mais ici il n'y a pas de paragraphe. Jésus a dit, en ces jours-là, vous saurez vous saurez que je suis dans le Père et que le Père est en moi, que je suis en vous et que vous êtes en moi. Vous voyez, vous saurez de quelle manière Dieu est dans son Église. Alléluia. Amen. Suivez très bien. Ne soyez pas distrait. Vous saurez de quelle manière Dieu est dans son Église. Vous croyez que Dieu est dans son Église? Amen. Amen. Moi aussi, je dis Amen. Écoutez. L'Église maintenant censée prendre la place du Seigneur Jésus-Christ. Kanisa sasa inaitwa kubeba fazi ya Bwana Yesu Kristo. Je reprends encore. Mina rudiria hapo tena. Kanisa maintenant. Hapa sasa iko censée prendre inaitwa kubeba la place du Seigneur Jésus-Christ. Fazi ya Bwana Yesu Kristo. On n'a pas dit. Hapa kuseme les pasteurs. Wa pastori. Wa shemashi. On s'en se prendre la place de Christ. Non, c'est clair ici. On dit l'Église est censée prendre la place fazi du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Écoutez, Muskilize. Pourquoi Dieu a nini? Pour continuer son ministère. Dieu a na Amen. Amen. Amen. Amen. Pourquoi? Pour continuer son ministère. Donc qui que tu sois, chaque frère, chaque sœur, la Bible dit, Biblia nasema, c'est Jésus qui a dit, ni Yesu Kristo alisema, Jean chapitre 14, Yohana 14, verset 12, mstari 12, les œuvres que je fais, matendo yenye unafanya, vous les ferez aussi, mutaifanyaka vile vile. Amen. Amen. Les œuvres que je fais, matendo yenye nafanya, vous les ferez aussi, mutaifanyaka vile vile. D'ailleurs, il dit ici, japo anasema hapa, encore un peu de temps, et le monde ne me verra pas. Cependant, vous me verrez. Car je serai avec vous, et même dans vous, jusqu'à la fin du monde. C'est cela que Jésus-Christ continue son œuvre. Eh bien, la Bible dit, c'est Étienne qui a parlé de Salomon. Salomon qui a construit un temple. Salomon et les trois, on n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Car le ciel est mon trône. Et la terre est mon marchepied. Et où se trouve le lieu de mon repos? Hakuna. Mais lakini, la Bible dit, Biblia nasema, qui m'a formé un corps, ulinitungia mwili moja, c'est le corps du Seigneur Jésus. Ni mwili ya Bwana Yesu Kristo. Qui m'a formé un corps, ulinitungia mwili moja. Amen. Amen. Qui m'a formé un corps, ulinitungia mwili moja. Dieu habite dans la stature d'un homme. Mungu anaishi ndani ya mutu. Se reflétant dans un être humain. Mukijionekanisha ndani ya mutu. Une adoration parfaite. Maabudu kamilifu. Amen. Amen. Une adoration parfaite. Maabudu kamilifu. Jésus a dit, c'est lui qui écoute ma parole. Mnyana sikia neno langu. Et le met en pratique. Na naitumikia. Moi et le Père. Mie na baba. Nous viendrons à lui. Tutakuya kwake. Et nous ferons notre demeure à lui. Na tutafanya makao yetu ndani yake. C'est lui qui écoute. Ule anasikia. Et met la parole de en pratique. Na natumikia neno la Mungu. C'est pourquoi la Bible dit. Tuka Biblia nasema. Je crois que c'est 1 Jean chapitre 4. Yohana wa kwanza sura ine, verset 4 comme ça. Mstari ya ine, c'est lui qui est en nous. Ni ule ko ndani yetu. Est plus grand que celui qui est dans le monde. Eko mkubwa kuliko mwenye kwa dunia. Jésus-Christ en nous. Na Yesu Kristo ndani mwetu. C'est l'espérance de la gloire. Ni tumaini ya utukufu. Amen. Amen. Examinez-vous. Mujichunguze. Pour voir. Dieu a kuona. Si te manque une chose. Donc l'adoration parfaite aujourd'hui, c'est Jésus-Christ en nous. C'est Dieu en nous. Et Dieu en nous. Nous reflétons la nature divine. Et la Bible dit, la Bible nasema, quand quelqu'un est né de nouveau, wakati mtu anazali kwa mara ya pili, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes ne sont pas et toutes ces choses deviennent nouvelles. Amen. Amen. Amen. Amen. C'est ça le christianisme. Donc Dieu s'est divisé dans l'homme. Comme Dieu a divisé Adam au début, aujourd'hui, Dieu s'est divisé et habite dans la stature d'un homme. Ah, c'est pourquoi Paul devait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Amen. Amen. Nous lisons encore les prophètes. La prédication. Maubiri. Les réalités infaillibles du Dieu vivant. Maukweli isipo kuanguka ya Mungu. Les réalités infaillibles du Dieu vivant. Maukweli ile haiwezi kuanguka ya Mungu mwenye kwa hai. Wapendwa. Dieu a des réalités infaillibles. Eko na Mungu na maukweli ile haiwezi kukotola, haiwezi si kuanguka. Dieu a des réalités. Kama Mungu ana maukweli yake. Les chrétiens doivent aussi avoir des réalités. Wa Kristo nao wanapaswa kuwa na maukweli yao. Amen. Amen. Il te manque une chose. Unakosewa kitu moja. Écoutez. Usikilize. Paragraphe 115. Nukta 115. Dieu aime toujours œuvrer à travers l'homme. Mungu anapenda kila mara kutumika kupitia mtu. C'est le programme de Dieu d'œuvrer à travers l'homme. Ni matengenezo ya Mungu kutumikia ndani ya mtu. Croyez-vous cela? Tunaamini vile. L'assemblée dit amen. Makutano inasema amina. Moi aussi je dis un grand amen. Amina moya mnene ya mkubwa. Dieu a toujours œuvré dans l'homme. Mungu kila mara anatumikiaka ndani ya mtu. Il a fait de l'homme son aide sur la terre. Alifanya mtu apate kwa msaidizi wake pa dunia. Et il a fait de l'homme un Dieu en dessous de lui. Na alifanya mtu kwa mtu mwenye kwa chini yake Mungu. Amen. Amen. C'est comme ça. Donc le christianisme, ce n'est pas quelque chose d'hasard. Non, non, mais frère. Donc le christianisme, c'est une vie. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé ce message. Dieu savait ce temps. Que le diable a... Frère Branham a dit, le diable est allé en enfer. Il a ouvert tous les bouchons. Et il a lâché tous les démons. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui beaucoup de modèles. Mamifano ya mingi. Beaucoup de choses. Bintu bia mingi. Pourquoi? Jua nini? C'est la dernière ère. Ni ça ya mwisho. Le diable cherche à séduire les enfants de Chetani Dieu. Unatafuta kutongoza watoto ya Mungu. Mais la Bible dit. La Bible inasema. Ah, Jésus-Christ. Ndani ya Yesu Kristo. Nous sommes plus que vainqueurs. Tuko washindaji zaidi. Il a dit, alisema, comme j'ai vaincu, vile milishinda, vous vaincrez aussi. Na mwe mutashinda vile vile. Amen. Amen. Amen. Amen. Nous ne combattons pas si, atukumbana pana, pour avoir la victoire. Kwa kupata ushindi. Nous ne combattons pas si, atukumbane, pour avoir la victoire. Kwa kupata ushindi. Non. Apana. Nous combattons si, dans la victoire. Dani ya ushindi. Amen. Examinez-vous mujichunguze pour voir s'il vous manque une chose. Kama mnakosewa kitu moja. Que Dieu vous bénisse. Mungu emibariki. Continuez d'aimer par la grâce. Tendeleta kesho kwa neema ya Mungu.